50 languages. 58. 58. 58. Ajza'ul jism. Les parties du corps. Les parties du corps. Arsum rijlan. Je dessine un homme. Je dessine un homme. Awalan ar-ra's. D'abord, la tête. D'abord, la tête. Yartadi ar-rajulu qubbatan. L'homme porte un chapeau. L'homme porte un chapeau. La yumkinu ru'yatu ash-sha'r. On ne voit pas les cheveux. On ne voit pas les cheveux. Wala yumkinu aydan ru'yatu al-udhunayn. On ne voit pas non plus les oreilles. On ne voit pas non plus les oreilles. Wala yumkinu kadhalika ru'yatu adh-dhahr. On ne voit pas non plus le dos. On ne voit pas non plus le dos. إنني أرسم العينين والفم. Je dessine les yeux et la bouche. Je dessine les yeux et la bouche. يرقص الرجل ويضحك. L'homme danse et rit. L'homme danse et rit. للرجل أنف طويل. L'homme a un long nez. L'homme a un long nez. إنه يحمل عصا في يده. Il porte une canne dans ses mains. Il porte une canne dans ses mains. ويرتدي وشاحا حول عنقه. Il porte également une écharpe autour du cou. Il porte également une écharpe autour du cou. الفصل فصل الشتاء والطقس بارد. C'est l'hiver et il fait froid. C'est l'hiver et il fait froid. الذراعان قويان. Les bras sont musclés. Les bras sont musclés. والساقان أيضا. Les jambes sont également musclées. Les jambes sont également musclées. الرجل مصنوع من الثلج. C'est un homme fait de neige. C'est un homme fait de neige. إنه لا يرتدي سروالا ولا معطفا. Il ne porte ni pantalon, ni manteau. Il ne porte ni pantalon, ni manteau. والرجل لا يشعر بالبرد. Mais cet homme n'a pas froid. Mais cet homme n'a pas froid. إنه رجل الثلج. C'est un bonhomme de neige. C'est un bonhomme de neige. Thank you.